C'était annoncé la semaine dernière, sauf qu'on va lui parler aujourd'hui. Stéphanie Lalancette, qui évolue avec le Collège Lévis-Lauzon au hockey féminin, a décidé de faire le grand saut au hockey universitaire. C'est avec l'Université de Concordia qu'elle va s'aligner. Question de savoir davantage qu'est-ce qui a fait pencher la balance, on la rejoint. Salut Stéphanie! Salut! Stéphanie, qu'est-ce que... D'abord, pourquoi Concordia au lieu des autres? Suite à Concordia, je me suis déjà sentie comme chez moi. J'ai été très bien reçue. Okay. Puis au niveau des coachs, j'ai trouvé que c'était très bien leur approche, puis vraiment leur vision pour le futur à Concordia. Okay. Montréal et l'autre université, il y en avait une troisième, je pense, ça marchait pas du tout. C'était moins un petit peu dans tes plans. Mais au niveau hockey académique, est-ce que ça, au niveau de ce côté-là, ça a penché également? Oui, effectivement, ben c'est sûr, mais au niveau économique à Concordia, ben ça a marché avec le choix de mon bac universitaire ouais, que je voulais vrai, faire. Ça. Donc je veux pas que tout est arrivé puis ça a bien fonctionné okay. comme ça. Au niveau de l'équipe de hockey, ça dit quoi? Est-ce que c'est une équipe compétitive quand même? L'équipe d'hockey ouais. est surtout en reconstruction, ça fait deux okay. ans, fait qu'ils s'en viennent de mieux en mieux, puis j'ai juste vraiment hâte d'embarquer dans ce programme-là, puis aider l'équipe justement à s'améliorer. Okay. Est-ce que vraiment, là, c'est quoi, c'est un programme de 3 ans qu'on s'est donné du côté de l'Université de Concordia, 3 à 5 ans? C'est 5 ans. OK, OK. Dis-moi, est-ce que t'as promis quand même un certain temps de glace, est-ce que... Non, ben moi, mais dans le fond, c'est pas ça vraiment que je recherche. Ils m'ont rien promis, puis je voulais pas non plus que, mettons, les coachs m'offrent ça, puis tu sais que ça a une raison et que j'aille là, pas du tout. Moi, ils m'ont juste dit que si tu travailles fort, ben tu vas jouer, puis c'est comme ça que j'ai toujours mieux fonctionné. Fait que je veux pas, mais c'est venu me chercher personnellement aussi quand ils m'ont tout de suite dit ça, que c'est plus une récompense mais de jouer. C'est pas, ouais, ils m'ont rien aussi. Promis, ben c'est ça que j'ai aimé. Okay. Stéphanie, si on parlait maintenant de ta saison, comment ça va avec le cégep à Lévis-Lauzon? J'étais avec le cégep okay. de Limoilou. Avec les OK, c'est pas le même cégep, ouais. Lévis-Moilou, puis OK, Limoilou, c'est à Québec, c'est vrai. Lévis-Lauzon, c'est à Lévis. Excuse-moi, oui, j'ai exactement. Fait une petite bourde. Donc, oui, comment ça va ta saison? Notre saison, elle va très bien. On est encore invaincu, donc ça, c'est une saison parfaite à date, puis on cherche cet objectif-là de rester invaincu, puis aller chercher les victoires possibles. Puis, je veux pas un niveau personnel, ben, ça va de mieux en mieux. Puis, je suis bien contente. Ton temps de glace, c'est à quel niveau? Pas mal comme tout le monde. Puis, vu qu'on gagne, c'est ben sûr ouais. que, genre, on n'a pas besoin de couper le banc. Fait que, c'est sûr que c'est des parties un petit peu moins intéressantes à cause de ça. Mais, on se prépare pour le tournoi à Kitchener qui s'en vient la semaine prochaine. Donc, c'est important de rester focus. OK. Si on parlait maintenant de saison parfaite, est-ce que c'est le calibre qui est moins relevé ou c'est vraiment vous autres qui est trop fort? Ben, nous, à Limoilou, on veut pas. On a vraiment des joueuses talentueuses, puis on travaille fort aussi. Mais c'est sûr qu'au niveau du calibre, il est peut-être moins élevé au niveau de certaines équipes, ouais. mais il reste que Saint-Laurent et Dawson sont de très bonnes équipes. Puis, justement, on a gagné 5-4 l'autre fois contre Saint-Laurent en prolongation. Donc, ça montre qu'il y a quand même du bon level dans certaines équipes. Dans la région, tu vois-tu éventuellement une équipe s'établir dans votre ligue? Est-ce que, bon, Cégep, je sais que tu es associé avec le hockey à Métabolisme. J'ai vu pas ça dans le quotidien l'an dernier. Je pense qu'il y a un programme avec les Rebelles. Oui. Est-ce que tu verrais, est-ce que ça pourrait fonctionner du hockey féminin dans la région? Ben ça s'est déjà parlé il y a ouais. quelques années d'ouvrir justement à Chicoutimi un cégep avec le programme d'hockey féminin. Malheureusement, ça s'est pas fait. C'est sûr qu'il y a un petit creux en ce moment dans le Québec au niveau des joueuses de hockey. Il y en a un peu de moins en moins, mais c'est tout le temps une vague. Puis je crois éventuellement que ça serait une possibilité. Mais c'est sûr qu'il faudra que le level puis le niveau augmente encore dans les pour ouvrir un autre okay. Tu m'as parlé de niveau, tu m'as parlé de joueurs qui a pas assez de joueuses. Le fait que la Ligue canadienne de hockey avec les Canadiennes de Montréal maintenant, chapeautée oui. par les Canadiens, est-ce que ça va aider au hockey féminin? Oui, effectivement, ils donnent de plus en plus une belle vision du hockey féminin. Je veux pas avec vu que les Canadiens se sont associés à elles, là, c'est rendu les Canadiennes, puis je pense que c'est de plus en plus vu, puis les gens aiment aller les voir justement à cause que le niveau est tellement élevé que c'est impressionnant. Puis je pense que ça donne une bonne vision. Y a-t-il un peu de monde dans vos matchs à Limoilou? À Québec, on est une des équipes avec le plus de partisans. Vraiment, on a vraiment des bons partisans qui viennent nous voir. On a aussi les joueurs de football, là, des Saint-Louis et Limoilou qui viennent nous encourager. Donc, c'est vraiment le fun de voir que tout le monde nous supporte ici dans la région. Comment ça a été ton camp avec l'équipe nationale canadienne d'un mois d'août? On ne s'est pas parlé depuis ce temps-là. Comment ça a été? C'est vrai. Non, ça a quand même bien été. Je veux dire, j'ai vraiment tout essayé puis j'ai tout fait en mon possible pour faire la série contre les États-Unis par la suite. Malheureusement, ça n'a pas donné à ce résultat-là. Mais comme tu sais, je peux pas faire grand-chose d'autre à part que continuer à m'entraîner puis à m'améliorer puis à viser plus loin puis pour l'année prochaine aussi. OK. Ben, Stéphanie Lalancette, gros merci. Ça m'a fait plaisir. C'est une belle nouvelle pour toi pour que tu vas joindre la Concordia. Et on va sûrement suivre ta carrière universitaire également. Merci Stéphanie Lalancette de Saint-Félicien qui va signer avec l'équipe de Concordia au hockey universitaire canadien.